silence vos portables, s'il vous plaît, pour ne pas être trop dérangés. Donc, je vais commencer par une brève introduction en français, parce qu'on n'a pas de traducteur en arabe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut nous aider. Puis, je céderai donc la parole à M. Patrick Meko. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à M. Patrick Meko d'être venu du Canada. Merci. Et à tous ceux qui sont présents donc, pour cette rencontre sur la Libye. Donc un remerciement spécial à M. Mohamed Feda qui est parmi nous, le journaliste, et bien sûr à M. Gentes qui est notre collaborateur depuis quelques années et à ceux qui nous ont donc offert cet espace. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais Alba Malta Africa, donc notre organisation, organise périodiquement des campagnes d'information à Malte et en Tunisie sous la forme de séminaires, de projections débats et de publications. On a des publications que vous pouvez voir ici dehors. Et on publie en français et en espagnol pour le moment. On fait aussi des brochures, même pour enfants. Et notre dernière publication est une publication sur les. On a traduit donc un livre d'un sociologue et d'un militant espagnol, on l'a traduit au français. Donc voilà, le but de notre association, c'est d'accroître la solidarité avec les pays donc, progressistes de l'Amérique du Sud et de l'Alliance bolivarienne, Alliance bolivarienne des peuples. Donc. Et bien sûr, d'apporter notre soutien aux pays qui mènent une lutte de libération nationale face aux attaques de l'OTAN et à ses alliés. Nous sommes tous bénévoles, sans aucune subvention d'aucune fondation. Nous auto-finançons. C'est important de le dire. Donc, ce n'est pas la première fois que nous organisons des débats sur la Libye. Nous l'avions fait à Malte en 2015, en présence de l'analyste politique éthiopien, je ne sais pas si vous connaissez, Mohamed Hassan. Et vous pouvez le visionner sur notre chaîne YouTube si vous comprenez l'anglais. Et donc on avait été très contents de la présence massive de Libyens et de Maltais qui étaient venus à cette occasion. Je ne sais pas si vous savez, mais Malte a une histoire étroite donc, avec la Libye, puisque quand elle devint indépendante en 1964, la Libye aida financièrement cette petite île puisqu'elle s'était retrouvée donc, à court d'argent. Et donc... il y a une histoire étroite, comme je disais, jusqu'en 2004, date de l'entrée à l'Union européenne. Donc, pour passer à la Libye, quelle est la situation aujourd'hui de la Libye, 7 ans après la Révolution? Comme vous l'entendez donc tous les jours dans les informations, le peuple libyen doit faire face à de graves conséquences économiques, sociales, politiques et humanitaires qui résultent directement de l'agression impérialiste de l'OTAN. Un tiers de la population libyenne a dû partir en exil après l'agression militaire de l'OTAN, bien qu'on me dise que beaucoup de Libyens sont aujourd'hui revenus chez eux, bien heureusement. Et on calcule à 2% le nombre de Libyens qui ont été donc massacrés par les bombardements qui durèrent, je rappelle, 7 mois et dont l'OTAN a largué plus de 30 000 bombes. Donc la Libye est devenue un État en faillite. Il existe aujourd'hui deux gouvernements qui se disputent le pouvoir et le pays donc est toujours en guerre. Il s'est converti en une arène pour les groupes islamistes et les milices qui se disputent le pouvoir par la torture et l'effusion de sang. Je ne sais pas si vous avez entendu les récentes nouvelles concernant l'esclavage des populations africaines, le massacre aussi des populations Tawega. Et les conditions dont vivent aussi les migrants qui sont parqués dans des véritables camps de concentration. Donc cette intervention qui nous a été présentée comme une libération s'est avérée catastrophique. Donc je rappelle que la Libye était le pays avec l'indice de développement humain le plus élevé de l'Afrique. C'est très important de le dire et de le rappeler. Donc la bataille pour l'information en particulier sur ce sujet est difficile, car c'est la bataille pour la vérité. Sommes-nous manipulés par tous les conflits majeurs et la propagande de guerre? Qui censure? Et plus important encore, pour servir quels intérêts? Ce sont des questions que nous nous posons. Je ne sais pas si vous vous rappelez les paroles du général américain Wesley Clark lors d'une interview en 2011 sur les guerres en Afghanistan et en Irak, où il révéla un document du Pentagone datant de 2001 où il était inscrit dans ces mots. Ceci est un document qui décrit comment nous allons détruire 7 pays en 5 ans, en commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. Ceci démontre qu'il y a bien un programme, un projet de néocolonisation et de domination de la part de puissances comme les USA et ses alliés, ou ce que Samir Amin, l'économiste égyptien, appelle donc la triade. Pourquoi donc les violences néocoloniales qui sont dues à la crise structurelle du capitalisme ne sont-elles cachées? Pourquoi les médias nous présentent cette agression comme une libération d'un peuple face à un tyran sanguinaire? Il faudrait, selon nous, replacer cette agression dans son contexte, en mettant l'accent sur les contradictions propres au capitalisme et à l'impérialisme qui sont dues directement à la crise de 2008 et à la transition d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire qui se traduit par l'émergence de nouvelles puissances économiques, notamment en Asie, avec la Chine, l'Inde et la Corée, les BRICS aussi, par exemple, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le Sud-Afrique, ou encore le projet d'intégration de l'Amérique du Sud qui est le projet de l'ALBA. C'est un projet que nous, en tant qu'association, nous soutenons. Donc à ce stade, il est important de révéler les cartes qui sont jouées par l'impérialisme. Bon, nous savons que c'est un concept qui n'est pas très à la mode, surtout dans certains milieux universitaires et dans une certaine gauche, mais pour nous, c'est un concept central et pertinent. Donc je vous invite à relire ou à découvrir les écrits de Vladimir Ilitch Ulyanov, donc de Lénine. Notre devoir est d'exposer les intérêts qui nous sont cachés par la presse marchande et par les intellectuels qui sont servis à la bourgeoisie financière et monopolistique. Pour le dire brièvement, nous avons le devoir de repousser la désinformation. Et pour repousser la désinformation, nous avons pensé donc qu'il était plus que nécessaire d'inviter aussi en Tunisie, puisqu'il a été maintes fois invité en France, le chercheur et géopoliticien M. Patrick Deco, congolais du Canada, et qui est auteur donc du livre Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïque arabe libyenne. Il est donc un des plus importants géopoliticiens contemporains du monde africain et auteur de plusieurs publications, comme La guerre secrète en Afrique centrale, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale et d'autres publications que vous pouvez découvrir par la suite. Donc, qui était vraiment Mohamed Kadhafi? Pourquoi a-t-il été tué? Qu'en est-il des accusations portées contre lui? Que se passe-t-il avec le printemps arabe? C'est à ces questions et à d'autres questions, bien sûr, que répond cet ouvrage qui est solidement documenté. Il a été préfacé par Michel Rimbaud, ancien ambassadeur français et professeur de sciences politiques. C'est un travail de longue haleine. Il a mis plus de 4 ans pour recueillir ces informations. Et nous avons donc pensé qu'il était très important de le partager avec le public tunisien et de divulguer ce livre. Donc, pour notre association, renforcer l'anti-impérialisme et le mouvement international pour la paix est crucial pour l'avenir de l'humanité. Pour finir, donc, nous voudrions lancer un appel en faveur des réfugiés africains que nous avons rencontrés à la maison de la jeunesse de La Marsa, qui sont, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui sont là depuis 2011 et qui demandent donc une solution pour leur situation aux autorités internationales. Ils sont de 9 nationalités différentes et proviennent du camp de Choucha en Libye. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui sont en contact avec... Choucha en Tunisie, c'est en Libye. En Libye. Oui, c'est ça. Oui, mais ils sont là depuis 2011. Et donc, ils demandent aux autorités. Pardon ? Non. Non, non, ils n'ont rien du tout. Non, mais ils n'ont rien du tout. Ils demandent la réouverture de leur dossier et ils demandent justement que l'Office des l'organisation internationale ou le commissariat pour les réfugiés des Nations Unies puisse intervenir et ouvrir leur dossier. Ça, c'est leur appel. Un site sur web. Non. Avec des photos, parce que j'avais écrit quelque chose. Ah oui, vous aviez écrit, oui, bien sûr, mais eux, ils n'ont pas de site. Je ne peux pas vous aider, enfin, des moyens que j'ai. Oui, je sais qu'il y a eu quelques articles qui ont été écrits. Oui. Donc, voilà, vous pouvez aussi donc, nous contacter à notre mail si vous souhaitez proposer des actions ou des débats qui rentrent dans les principes que nous défendons. Voilà, moi j'en ai fini. Je passe donc la parole à M. Pérez Péco. J'espère que vous aurez une enrichissante rencontre. Voilà. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être un peu lent et vous allez m'excuser un peu parce que je suis grippé en fait. Mais j'ai quand même tenu à être là et à échanger avec vous, à discuter avec vous sur la question du lien. Un dossier sur lequel j'ai travaillé pendant près de 4 ans. 4 ans parce que en commençant mon travail d'enquête, comme tout enquêteur, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai eu à découvrir. Il n'y avait pas seulement la guerre de 2011 que nous avons vécue, mais je me suis très rapidement rendu compte en m'intéressant au dossier libyen qu'on ne pouvait pas le comprendre si on n'avait pas le regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire. Pardon. Pourquoi je parle de rétroviseur de l'histoire ? Simplement parce que Kadhafi dérangeait beaucoup, il s'était fait beaucoup d'ennemis, et la guerre qu'on a vue en 2011, la guerre avancée par l'OTAN en 2011, n'a pas commencé en 2011. Pour moi, cette guerre a commencé dès l'arrivée de Muammar Kadhafi au pouvoir. Et c'est pour cette raison que j'ai le sous-titre de mon livre, c'est 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaria africaine. Quand on s'intéresse à ce genre de dossier, surtout sur un personnage, surtout sur un personnage comme Kadhafi, il faut une certaine distance critique. J'étais un peu au milieu de plusieurs tiraillements, si on peut dire comme ça. Il y avait l'OTAN. Je regardais l'OTAN, cette machine à propager la mort qui agissait en Libye. Et d'autre part, il fallait examiner quand même aussi l'attitude, le comportement de Kadhafi sans a priori, sans parti pris. Parce qu'il y avait d'une part ceux qui étaient des pro-Kadhafi, pour qui Kadhafi n'avait commis aucune erreur. Il y avait d'autres qui étaient contre Kadhafi et qui le diabolisaient. L'enquêteur, lui, ne cherche pas à prendre parti, mais à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ce défi que je me suis lancé et j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé sans parti pris, sans a priori. Et donc, pour faire ce travail, je me suis basé sur plusieurs sources, des sources ouvertes. Je me suis aussi basé sur des sources confidentielles. J'ai eu accès à de nombreux documents. Certains documents étaient confidentiels à l'époque. J'ai discuté aussi avec des témoins directs et indirects. Et mon enquête a commencé en Afrique du Sud. J'étais allé en Afrique du Sud rencontrer quelqu'un, un diplomate, et je travaillais sur une guerre, les guerres qui se passent en Afrique centrale. Et arrivé là-bas, le monsieur à qui je parlais à la fois aborde la question libyenne avec moi. Alors, je me rappelle à l'époque, Human Rights, l'ONG américaine, avait publié un rapport sur l'assassinat des circonstances de la mort de Kadhafi. Et on discutait de ça, ce diplomate m'a dit écoutez, cette version est incomplète. Et je lui ai demandé pourquoi elle est incomplète, pourquoi. Et il me raconte que pendant les bombardements, l'OTAN discutait avec Kadhafi. Ah bon ? Ok. Et à la fin de notre discussion, il m'encourage à écrire sur la Libye. Connaissant un peu ma façon de travailler, ma rigueur de travail, il a beaucoup insisté et à partir de ce moment, j'ai décidé de comprendre ce qui s'était passé en 2011. Pourquoi il y a cette guerre et pourquoi Kadhafi a été assassiné. Et très rapidement, je me suis aperçu que Kadhafi, ce n'était pas en fait la première, c'était la dernière tentative d'assassinat, il a réussi en tout cas en 2011, mais ce n'était pas la première. Et je me suis rendu compte que les premières tentatives d'assassinat, c'était 3 mois après l'arrivée de Kadhafi au pouvoir. Alors là, j'ai voulu comprendre, mais pourquoi, qui était cet homme qui, parce que dans le livre, je détaille plusieurs opérations clandestines des services de renseignement, et d'ailleurs, je veux revenir sur certains d'entre elles, j'ai voulu comprendre, mais pourquoi autant d'opérations secrètes contre un seul homme? Alors, j'ai commencé, je me suis dit, je vais étudier le cas Kadhafi de sa naissance à sa mort. Et effectivement, avant que Kadhafi ne devienne, avant qu'il ne prenne le pouvoir en 1969, la Libye était dirigée par le roi Idriss. Et c'était, elle était considérée comme une sorte de protectorat anglo-saxonne. Il y avait des bases américaines et britanniques en Libye, et le pétrole libyen ne profitait qu'aux multinationales occidentales. À cette époque, ce sont les compagnies pétrolières américaines qu'on appelait les 7 sœurs, donc les 7 plus grandes compagnies pétrolières au monde, qui décidaient du prix du pétrole. Alors Kadhafi va grandir dans cet environnement, dans la pauvreté la plus absolue. Il va voir comment les multinationales paient son pays. Il va voir comment les bases américaines, les bases américaines et britanniques libyennes vont soutenir l'action d'Israël dans la guerre de Six Jours, parce que ça c'est très important. Ce sont les bases américaines et britanniques qui sont en Libye qui vont permettre à Israël d'avoir le dessus sur les pays arabes pendant la guerre qui les avait opposés en 1967. Et Kadhafi voit tout ça, il est frustré. Alors, il va s'organiser, il va décider de prendre le pouvoir à l'âge de 13 ans. À 13 ans, il commence à organiser ses amis d'école. Ils vont mettre en place une cellule clandestine à l'âge de 17 ans et ils vont s'organiser comme ça jusqu'à prendre le pouvoir le 1er septembre 1969. Mais ce jour-là, en fait, les États-Unis eux-mêmes avaient prévu de faire un coup d'État contre le roi Idriss, qu'ils voulaient remplacer pour mettre son fils ou son neveu, qui était proche aussi des Occidentaux, parce que le roi était déjà très vieux. Et Kadhafi est au courant de ce projet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abriter son projet derrière le projet américain. Donc le 1er septembre, quand Kadhafi fait le coup d'État, les Américains pensent que c'est leur coup d'État à eux. Alors qu'en réalité, c'est Kadhafi et ses amis qui sont cachés derrière. Alors quand le commandant de la base américaine appelle les conjurés pour demander « Mais qu'est-ce qui se passe là? On ne comprend pas bien. » Les amis de Kadhafi lui disent « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est dans le plan comme prévu. » Ils disent « Ok, il n'y a pas de problème. » Or, c'était des jeunes Libyens, Kadhafi a 27 ans à l'époque, qui sont derrière la conjuration. Et pendant 2 semaines, on ne saura pas qui en fait le coup d'État. Le roi Idriss est déposé, Kadhafi et ses amis prennent le pouvoir, mais pendant 2 semaines, ils ne disent rien du tout. Ils vont convoquer les ambassadeurs des États-Unis, de l'URSS, de la France, de la Grande-Bretagne, et ils vont leur dire, écoutez, là, les choses viennent de changer maintenant, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas toucher à vos intérêts. Et donc, les ambassadeurs occidentaux seront contents. 2 semaines plus tard, Kadhafi se fait voir devant la foule. Tout le monde est surpris, mais c'est ce jeune-là qui était... parce qu'on le connaissait déjà très jeune, il avait l'habitude de manifester contre les violettes impériales, contre le gouvernement, et tout le monde savait un peu qui était ce jeune-là turbulent. Et quand on le voit ce jour-là, 2 semaines après le coup d'État, les gens sont surpris. Et Kadhafi, quand il arrive, les premières décisions, c'est d'exproprier les intérêts occidentaux qui étaient présents en Libye et qui se payaient sur la bête. Donc, ce qu'il va faire, il va nationaliser les banques et il va demander aux bases américaines et britanniques d'évacuer la Libye. Donc, aux États-Unis, il y a une réunion d'urgence qui s'est tenue à ce moment-là. Henry Kissinger, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, le monsieur diplomatie, l'ancien monsieur diplomatie américaine, Henry Kissinger va présider une réunion qui va rassembler les membres du service secret américain. Et là, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? On les renverse, on fait comment? Et là, certains membres du service secret américain vont dire, mais écoutez, On ne va pas les renverser. S'ils veulent que nous évacuons nos bases militaires, il n'y a pas de problème, en autant que nos intérêts pétroliers ne soient pas touchés. Et c'est comme ça que les Américains vont évacuer leurs bases, les Britanniques aussi vont fermer leurs bases, et Kadhafi va se frotter les mains. Mais ce que les Occidentaux ne savaient pas à ce moment-là, c'est que Kadhafi planifiait déjà la nationalisation des compagnies pétrolières. Alors, il a convoqué quelques mois après les patrons des compagnies pétrolières qui étaient en Libye, il leur a dit, écoutez, il faut que vous augmentiez le prix du pétrole. Puisque ce sont eux, le prix du baril, parce que ce sont eux qui décidaient du prix du pétrole. Et Kadhafi a dit, moi je veux l'augmenter. Alors au lieu de le faire, je vous demande de le faire. Ils se sont moqués de lui. Elles étaient tellement puissantes qu'ils se sont mis à se moquer de lui. On dit, bon, on le traitait carrément d'apprenti sorcier. Alors Kadhafi, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel aux compagnies indépendantes. Les compagnies pétrolières indépendantes qui étaient en Libye n'avaient pas d'autre source d'approvisionnement à part la Libye, à la différence des grandes compagnies qui pouvaient s'approvisionner au Moyen-Orient, dans notre pays du globe. Les compagnies indépendantes n'avaient aucun moyen. Et alors Kadhafi va les convoquer, il va les menacer de fermer leur puits s'ils n'augmentent pas le prix. Pourquoi ce Kadhafi a fait ça? Parce que si l'une des compagnies augmente le prix, toutes les autres compagnies seront obligées d'emboîter le pas. Et c'est ce qui va se passer. La personne que Kadhafi invite à augmenter le prix s'appelle Armand Hammer. Pour ceux qui vont lire le livre, je commence d'ailleurs le livre avec son histoire, avant d'introduire Kadhafi, parce que ce monsieur avait obtenu des puits à l'époque du roi Idriss, et il était devenu très puissant. Mais il n'avait pas d'autre source d'approvisionnement par la Libye. Et c'est sur lui que Kadhafi va exercer plus de pression pour pousser les compagnies pétrolières à augmenter le prix. Et en 1970, c'est ce qui va se passer. Donc, quand le prix augmente, c'est pour la première fois dans l'histoire du monde que les compagnies pétrolières occidentales se sentent impuissantes devant un État qui décide de faire monter le prix du pétrole. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que les pays de l'OPEP vont aussi augmenter le prix. En fait, c'était Kadhafi qui menait la barque. Et ça, les Occidentaux ne l'oublieront jamais. Parce que les compagnies pétrolières, elles sont très puissantes, on sait comment elles sont, comment elles règnent aujourd'hui, mais elles ne pouvaient pas comprendre qu'un jeune homme de 27 ans avec ses amis vienne leur imposer une augmentation de prix avec les conséquences qu'il y a eu après. Parce que Kadhafi ne s'arrête pas là. Trois mois après, il reconvoque encore. On va encore augmenter le prix du pétrole. Alors là, les compagnies pétrolières sont perdues. Le patron de Shell dira, d'ailleurs, en ce moment même, nous avons le choix entre la soumission et la débandade. Donc ça vous donne une idée de ce que cette politique énergétique de Kadhafi représentait aux yeux des puissances occidentales. Et aux États-Unis, les Américains commencent à voir rouge. Ils étaient plus contents là. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? En Grande-Bretagne, on va organiser une opération pour éliminer Kadhafi. Elle va échouer. Pardon. Et les Américains seront tiraillés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient divisés sur la politique à mener contre Kadhafi. Ou on le déstabilise, ou on le maintient au pouvoir, mais on essaie de négocier avec lui. En même temps, il y a d'autres à Washington qui se disait, il faut laisser Kadhafi tranquille parce qu'il est anti-communiste. Nous sommes en pleine guerre froide. Les Américains se disent, si on déstabilise Kadhafi, on ne sait pas qui va arriver après lui. Alors mieux vaut dealer avec ce monsieur, puisqu'il est anti-communiste, on est au moins assuré d'une chose, c'est que les Russes ne vont pas s'implanter dans la région. Et la politique américaine au début sera cette politique attentiste, d'observation, en se disant qu'il finira peut-être un jour par changer. Mais il faut dire que de 69, quand Kadhafi prend le pouvoir, en 75, les Libyens qui étaient parmi les populations les plus pauvres de la planète, 44% de taux de mortalité infantile à l'époque. Mais 5 ans plus tard, la Libye sera parmi les pays les plus prospères. Et en 76, on va détruire le dernier bidonville en Libye. En 76, c'était le dernier bidonville qui va être fermé. Et en Occident, on suit tout ça. Et Kadhafi hérite parce qu'on se dit, mais c'est qui ce gars-là qui se bédouille, qui se prend pour le centre du monde? Parce que Kadhafi ne s'arrête pas seulement à nationaliser les intérêts étrangers. Il commence à soutenir des mouvements révolutionnaires à travers le monde. Il s'invite dans le conflit tchadien, que la France considère comme son précaré, sa zone d'influence. Il s'invite jusqu'aux Philippines, il soutient les Amérindiens jusqu'en Australie, il soutient le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, il soutient tout le monde, tous les mouvements qui sont considérés par les Occidentaux comme des mouvements, entre guillemets, terroristes, si on veut. Et tout cela irrite beaucoup en Occident. Et le premier chef d'État qui décide d'en finir avec Kadhafi, officiellement, c'est Giscard. Giscard, le président français, Giscard d'Estaing. Alors, Giscard d'Estaing va convoquer Maranche, le comte de Maranche, qui était le patron des services secrets à l'époque, la DGCE. Il va lui demander de monter une opération clandestine contre Kadhafi. Et à partir de ce moment-là, il y aura une succession d'opérations secrètes pour l'éliminer et toutes ces opérations ne vont pas aboutir, elles vont échouer. Et l'une des opérations d'ailleurs, et ça c'est encore terrible, l'une des opérations aura lieu à la fin, au début des années 80. À ce moment-là, qui est au pouvoir aux États-Unis? Jimmy Carter. Jimmy Carter ne veut pas bousculer Kadhafi parce qu'on sait, je vous l'ai dit, il est anti-communiste, donc ça arrange les Américains quelque part. Mais ils sont de plus en plus irrités parce que Kadhafi intervient un peu partout. Il déstabilise aussi certains pays parce qu'il faut dire qu'il ne soutient pas seulement les mouvements révolutionnaires. Il déstabilise aussi certains États, ce qui irrite ses voisins. Sans compter le fait que, et ça je n'ai pas relevé, les tentatives d'union avec les pays de la région. Il a essayé une tentative d'union avec la Tunisie, il a essayé avec l'Égypte de Nasser, après ce sera Sadat, il a même essayé avec le Maroc qui était un peu plus loin, il a essayé avec plusieurs États et toutes ces tentatives ont échoué. Parce que certains chefs d'État considéraient que Kadhafi était un peu zinzin dans sa tête. Donc ça ne tournait pas, ça ne marche pas. Alors, à la fin des années 70-80, il y a un avion de ligne italien, la compagnie Italia, avec 77 personnes à bord. L'avion est dans les airs lorsque, pouf, il disparaît des radars. Bon, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, on parle d'accident. En réalité, ce n'était pas un accident. C'est que les pays de l'OTAN voulaient assassiner Kadhafi. Alors, ils étaient sûrs que Kadhafi allait emprunter la route parce qu'il devait se rendre à Malte, quelque chose comme ça, et ils étaient au courant. Alors, les agents de l'OTAN étaient prépositionnés déjà dans les environs pour qu'une fois qu'on va voir son avion, on va l'abattre. Or, Kadhafi avait été prévenu par un pays ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de direction. Et il y avait un avion de ligne italien, donc le fameux avion, le DC-10 italien qui passait par là. Les pays de l'OTAN, comme c'était la nuit, se sont dit sûrement, mais ça doit être l'avion de Kadhafi. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier. Ils ont tiré sur cet avion avec toutes les personnes qui étaient à bord. Et pendant des années, cette vérité sera étouffée. Sera complètement étouffée. On va dire que c'est un accident. Après, on va dire oui, mais c'est une affaire. Les médias ont commencé à soupçonner un pays de l'OTAN, lequel on ne sait pas. Cette affaire a été résolue en 2013. Seulement, quand la justice italienne a demandé à l'État italien de payer 100 millions d'euros aux familles des victimes. Ça, c'est juste une opération parmi tant d'autres. Alors, une autre opération qui est intéressante, mais qui avait avorté aussi, c'est on a pris des chars d'assaut, des chars de combat qu'on a peints aux couleurs égyptiennes, qu'on a installés à la frontière avec la Libye, on a emmené des cadavres, des gens qui sont morts, qu'on a plantés par terre. On devrait accuser la Libye d'avoir tué ces gens, d'avoir attaqué l'Égypte, et l'armée israélienne et américaine allait intervenir pour déstabiliser la Libye. Donc il y a eu ce genre d'opération tout le long des années 70-80. Alors, en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir en France. Et ça, c'est un tournant important parce que les années 80 vont marquer un tournant important dans la stratégie occidentale contre Kadhafi. Pourquoi? Parce que, il y a Ronald Reagan qui arrive au pouvoir à la Maison-Blanche en 80-81, et vous avez François Mitterrand qui arrive au pouvoir en France. Ce qui fait que les Américains changent d'attitude à l'égard de la Libye, complètement. Cette fois, ils décident de l'éliminer définitivement. Et du côté français, où on essaie de l'éliminer, Mitterrand lui change de stratégie, il ne veut pas éliminer Kadhafi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les Américains sont embarrassés, Parce que les Français ne veulent pas rentrer dans leur jeu, mais Reagan, en tout cas, l'administration Reagan est embarrassée parce que l'administration de François Mitterrand ne veut pas participer à ce jeu. Alors les Américains vont se rapprocher des Égyptiens et des Israéliens et vont monter plusieurs opérations clandestines pour renverser Kadhafi. Il y aura plusieurs opérations et on va même distiller des fausses informations dans les médias. C'est le bureau de la guerre psychologique du Mossad qui va se charger en fait de monter des histoires à dormir debout sur Kadhafi. On va le présenter comme un fou, comme un gars qui est un zinzin. On va aussi dire que c'est un homosexuel. On va dire qu'il pratique souvent des chirurgies esthétiques pour se faire beau. On va essayer de l'humilier. Parce qu'on n'arrive pas à le tuer. Donc on va essayer de l'humilier. Et c'est ça qui va être distillé dans tous les médias. Et c'est cette image que les gens vont garder de Kadhafi. Parce qu'ils vont garder de Kadhafi une image de quelqu'un qui est un peu fou. Mais les gens ne sauront pas que tout ça, tous les articles de journaux, tout ce qui passait à la télé à ce moment-là, était alimenté par les services secrets américains et le Mossad. Et c'est ce qui va se passer tout le long des années 80. Et le Tchad, puisque vous savez que la Libye était très impliquée dans le conflit tchadien. Le Tchad sera l'endroit où il y aura un affrontement qui ne dit pas son nom entre les Libyens d'une part, les Américains, les Français, le Mossad. Vous savez que Kadhafi était impliqué dans le conflit tchadien, comme je l'ai dit. Et quand Reagan arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'utiliser le Tchad comme base arrière pour déstabiliser la Libye. Et c'est pour cette raison que la Libye va être très entreprenante dans le conflit tchadien. Et moi, j'ai eu une discussion avec M. Roland Dumas, qui était le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et qui était l'envoyé spécial de Mitterrand dans le dossier tchadien. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'était passé véritablement au Tchad? Et Roland Dumas m'a expliqué que Kadhafi était devenu parano. Il voyait des ennemis partout dans ses frontières et il avait décidé de prendre le devant avant d'être attaqué. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs que Mitterrand ne refusera quand même d'intervenir dans le conflit tchadien contre Kadhafi. Mais il le fera quand même secrètement sans le dire. Parce qu'au fond, le Tchad était quand même le précaré français, était considéré comme la zone d'influence française. Et Mitterrand n'acceptait quand même pas que Kadhafi joue un jeu trouble là-bas dans la région. Et donc, puisque les opérations clandestines ne marchent pas, on essaie de l'assassiner, ça ne tient pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi lui attribuer des attentats qu'il n'a pas commis. Alors vous avez entendu parler de l'attentat de Lockerbie, vous avez entendu parler de l'attentat du DCDC du TA contre la gendarmerie française, ouais, au Ténéré. Vous avez entendu parler de l'attentat contre la discothèque La Belle en 86 en Allemagne. Si je vous dis que tous ces attentats n'étaient pas de la responsabilité libyenne, c'est sûr que ça surprend beaucoup de gens. On commence par l'attentat de 1986 à la discothèque La Belle en Allemagne. Il se fait que le poseur de bombes était connu des Occidentaux. En fait, dans cette affaire, étaient mêlés les services secrets américains, le Mossad et le Mossad. Donc, ceux qui ont planifié l'attentat, c'était ces gens-là. C'était des groupes de bandits qui étaient manipulés par les services secrets occidentaux. Et on va rejeter la responsabilité sur la Libye. Pourquoi? Parce qu'on voulait tuer Kadhafi. Et c'est à la suite de cet événement que Reagan va autoriser le bombardement de Tripoli et de Benghazi en 1986. Si vous vous rappelez bien, Kadhafi avait perdu sa fille adoptive. On raconte qu'il avait perdu sa fille adoptive. Et on avait largué 60 tonnes de bombes en 30 minutes. Et Kadhafi aura la vie sauve grâce à l'ambassadeur de la Bulgarie et à Roland Dumas, qui va appeler Kadhafi pour lui dire « Écoute, tire-toi parce que les Américains viennent te bombarder cette nuit. » Pourquoi? Et dans cette affaire, les Français savaient très bien que la Libye n'était pas impliquée. Ils ont douté, les Espagnols aussi. Même les Allemands, les concernés, ne croyaient pas à l'histoire, à la culpabilité libyenne. Mais les Américains vont dire, nous on sait que ce sont les Libyens, nous avons capté des communications de l'ambassade libyenne où les gens se congratulaient après l'attentat. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un colonel du Mossad qui a parlé en fait des messages qui ont été captés par les services secrets américains qui incriminaient la Libye. Et le colonel du Mossad, Victor Ostrovsky, explique ceci. Il dit que le Mossad, pour diaboliser Kadhafi, va monter une opération secrète décidée par Shimon Peres. Cette opération s'appelle l'opération Trojan. Donc les commandos du Mossad, et ça c'est vraiment comme dans un film, les commandos du Mossad vont investir les côtes libyennes, vraiment des vrais commandos, la nuit, et un groupe de commandos va se diriger au cœur de Tripoli. Il va installer une antenne qui va émettre des faux messages qui seront captés par les services secrets occidentaux. Et ces faux messages vont incriminer. C'est comme si les Libyens, dans ce message, disaient on est content d'avoir fait des attentats contre les intérêts occidentaux. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et les Français qui avaient capté ce message se sont dit mais depuis quand les terroristes qui font des attentats comme ça s'exposent de cette façon? Ils ont douté, ils ont dit non, on ne croit pas cette version, on ne va pas attaquer. Et c'est pour cette raison que quand les Américains vont demander à la France et à l'Espagne de survoler leur territoire pour aller bombarder Tripoli, les Français vont dire non. Et c'est ce qui d'ailleurs va permettre à Kadhafi, il va lui donner le temps d'aller se cacher quand les avions américains vont arriver pour bombarder sa résidence à Tripoli et à Benghazi. Et donc, ça c'est pour l'attentat discothèque Labelle. Maintenant l'attentat de Lockerbie. On nous a expliqué que c'était deux agents des services secrets libyens qui avaient placé la bombe dans l'avion pour se venger de la question tchadienne. Bon. Non, pour se venger du bombardement de Tripoli. Moi, quand je travaille sur le dossier, d'abord, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui montraient que les Libyens n'étaient pas impliqués. J'essaie de gratter un peu, j'essaie d'étudier un peu l'enquête, de comprendre comment l'enquête a été menée. Je retrouve un homme au cœur de cette enquête qui s'appelle Tom Thurman, qui était à l'époque l'enquêteur en chef du FBI dans le cadre de l'attentat de Lockerbie. Et je découvre que ce monsieur a déjà été condamné pour falsification de preuves. Donc, je dis, ça commence bien. Et après, je tombe sur un document américain que je reproduis dans le livre pour qu'on ne m'accuse pas de propager des théories du complot. Dans le document américain, il est clairement établi que l'attentat, on laisse entendre que l'attentat a été commis par le FPLG palestinien, qui sous-traitait cette opération pour le compte des Iraniens. Pourquoi? Parce que 5 mois avant l'attentat de Lockerbie, les Américains avaient détruit un avion de ligne iranien avec 200 personnes à bord. Et les Iraniens avaient promis de se venger. Et tout le monde aux États-Unis savait qu'il y avait un attentat en préparation. Mais comment l'attentat de Lockerbie s'est passé? Alors ça, c'est beaucoup plus spectaculaire encore que le cas précédent. C'est que les Américains, à cette époque, il faut d'abord vous rappeler une chose, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'otages occidentaux qui avaient été faits otages au Liban, à la plaine de la Beka, si vous vous rappelez pour ceux qui sont plus âgés. Et la plaine de la Beka était contrôlée à l'époque par le Hezbollah. Bon, les Américains, à la même époque aussi, faut-il le dire, dans cette région, il y avait un très grand trafic de drogue. Les Américains, la DEA, qui s'occupe de traquer les trafiquants de drogue, voulaient infiltrer le réseau des trafiquants pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. En même temps, la DIA, qui est le renseignement militaire, s'est greffée à l'opération de la DEA pour retrouver les otages occidentaux qui étaient détenus à la plaine de la Beka. Ça commence à faire un peu compliqué. Ouais. Donc, vous avez deux services américains qui essayent chacun, la DEA qui veut comprendre le rouage du trafic de drogue et la DIA qui veut retrouver les États occidentaux en se greffant sur l'opération de la DEA. Alors, qu'est-ce que la DEA fait? La DEA entre en contact avec les trafiquants de drogue libanais et leur permet de faire entrer la drogue aux États-Unis via le vol de la Paname, donc le fameux avion qui va exploser. Pourquoi est-ce qu'on le fait souvent? C'est pour donner confiance aux trafiquants, essayer d'infiltrer le réseau pour mieux déceler son mode de fonctionnement. Alors, les Américains le faisaient tout le temps. Donc, la drogue passait tout le temps par... Il y avait quelqu'un qui acheminait la drogue, ça passait par l'avion de la Paname, qui passait par l'Allemagne, ça allait aux États-Unis, ainsi de suite. C'était comme ça. Et le FPLG palestinien, qui est au courant de ce trafic de drogue, puisque le FPLG palestinien était proche de la Syrie aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient qui emmenait la drogue pour faire rentrer dans l'avion, et puis parce que les douanes allemandes et américaines avaient reçu la consigne de ne pas déranger le convoi en question, puisque c'est une opération de la DE. Alors, qu'est-ce que le FPLG va faire? Ils vont prendre une radio bourrée de Semtex, c'est une substance explosive là, qui était beaucoup utilisée dans les années 80. Ils vont le prendre, ils vont remplacer la drogue par des explosifs. Et quand le colis en question arrive en Allemagne, le responsable de la CIA en Allemagne regarde et dit « Mais ce colis ne ressemble pas au colis habituel. » Donc il appelle la station de la CIA à Berlin pour dire « Mais on a le colis qui est arrivé, mais il est un peu bizarre ce colis. » Et son chef lui dit « Écoutez, laisse le colis passer, c'est le colis habituel. » Or c'était la bombe. Et celui qui a fait rentrer la bombe là, c'était quelqu'un qui travaillait et pour le service secret jordanien et pour le FBI. Et qui, aujourd'hui, on m'a dit qu'il vivrait aux États-Unis. Donc la bombe rentre dans l'avion, l'avion décolle, puis pouf, l'avion explose. Deux jours plus tard, l'Iran dépose 10 millions de dollars dans le compte du FPLG. Et ça, ce sont les Américains eux-mêmes qui l'ont documenté. Puisque je reproduis le document en question des États-Unis dans le livre. Mais étrangement, ils vont accuser la Libye. Ils vont dire, non, on sait que ce sont les Libyens qui ont fait ça. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un scandale. Ça allait faire un scandale de savoir que les États-Unis sont impliqués dans une opération qui a mené à la mort des citoyens américains, premièrement. Et deuxièmement, on cherchait un moyen pour casser Kadhafi, le détruire. Alors, on va prendre l'attentat, on va mettre sur sa tête. Et ça, c'est pour ce qui est de l'attentat de l'Occupy. Et alors, dix mois plus tard, il y a un autre attentat contre l'attentat du Ténéré contre un avion d'élite français. 170 morts. Là aussi, c'est toujours Kadhafi. Ça ne peut être que lui. Moi, j'essaie d'enquêter sur ce dossier. Et là, je suis encore beaucoup plus choqué parce que, je me rends compte que les enquêteurs français qui ont enquêté sur cet attentat, ils avaient clairement dit que Kadhafi, la Libye, n'était pas impliquée. Ils étaient fermes là-dessus. Ils ont dit, nous avons examiné tous les débris, le système de détonation et tout, les paves, tout ça, et ce ne sont pas les Libyens. Mais le juge français, Jean-Luc Bruguière, le juge antiterroriste français, ne va pas écouter ses propres enquêteurs. Devinez qui est-ce qu'il va écouter? Tom Thurman, le même qui était dans le dossier de Lockerbie, qui va s'inviter dans le dossier de Ténéré. Et qui va dire, je vais vous aider. Le gars dit, mais on a nos enquêteurs. Il dit, non, moi je vais vous aider aussi à trouver qui a fait ça. Et c'est Tom Thurman qui va fabriquer une pièce qui va servir de preuve devant la justice pour incriminer la Libye. Et ce qui est grave dans ce dossier, puisque moi j'ai posé la question. Vous savez que c'est à cause de l'Occupy et du TA qu'on avait imposé un embargo à la Libye en 92. Donc moi j'ai posé la question directement à M. Gilles Ménage, qui était à l'époque le directeur de cabinet de François Mitterrand. Puisque c'est Mitterrand qui est au pouvoir à l'époque. Je lui demande, est-ce que la Libye était impliquée dans cet attentat qui concernait votre avion? M. Ménage m'a répondu que non. Il a dit, ma position est identique à celle du président Mitterrand. Nous n'avons jamais cru à une implication libyenne dans cette affaire. Je lui demande, mais pourquoi avoir accepté d'imposer l'embargo à la Libye? Ah, il m'explique, bon, il y avait des pressions américaines et tout ça. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Un détail encore important, je pose la question aussi à l'avocat du pilote du décès, de la veuve du pilote du DC-10, de l'avion. Qu'est-ce qu'ils font? Je dis, mais toi, vous étiez avocat de la partie civile. Que pensez-vous de cette affaire? Et là, l'avocat me dit, je savais que la Libye, nous savons tous que la Libye n'était pas impliquée, mais le juge avait pris plaisir à écouter les Américains et se vantait même d'avoir travaillé avec la CIA dans ce dossier. Dans le livre, je reproduis aussi un document de l'Élysée à ce sujet. Alors, pour aller rapidement, puisqu'il y a une question de temps, pour qu'on ait le temps d'échanger, il y a eu des opérations comme ça tout le long de la vie de Kadhafi. Et l'une des dernières opérations s'est déroulée en 1996, quand le MI6, donc le service secret britannique, ont payé 100 000 livres sterling à un agent d'Al-Qaïda pour assassiner Kadhafi. Et je tiens à rappeler ici que la Libye de Kadhafi est le premier pays au monde à avoir lancé un mandat d'arrêt contre Osama Ben Laden. C'était en 1996. Mais ça, ce n'est pas beaucoup connu des gens. Pourquoi? Parce que quand la Libye lance le mandat d'arrêt contre Ben Laden, Interpol étouffe le dossier. Pourquoi? Parce que la Libye était décrite comme un état terroriste. Alors, il était curieux de voir l'état terroriste en question poursuivre le plus grand terroriste recherché et protégé par les puissances occidentales. Et c'était ça le problème, c'était ça l'embarras des puissances occidentales. Et cela a conduit jusqu'à au début des années 2000, et là Kadhafi, parce que l'embargo faisait très mal à la Libye, Kadhafi décide de renouer avec l'Occident. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez vu la Libye accepter de dédommager les victimes des attentats, même s'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas responsables de cet attentat-là, les Libyens. Et ils diront même, les Libyens, que nous avons acheté la paix, mais nous ne sommes pas responsables de ces attentats. Alors là, tout le monde est content. Les Occidentaux reviennent en Libye, les compagnies américaines reviennent, tout le monde est d'accord. Sauf que les Occidentaux se méfient quand même de Kadhafi, les Américains plus particulièrement. Mais Kadhafi avait accepté de jouer le jeu, c'est-à-dire d'ouvrir son pays aux intérêts occidentaux pour qu'au moins on lève les sanctions. Et une fois que les sanctions levées, les familles des victimes dédommagées, Kadhafi va reprendre ses réflexes révolutionnaires. Il va menacer encore une fois de nationaliser les compagnies pétrolières américaines. Et quand les Américains arrivent en Libye et lui demandent d'implanter, parce qu'à l'époque, en 2007, les Américains ont créé AFRICOM. Je ne sais pas si vous connaissez AFRICOM. C'est l'African Commandment, c'est le commandement militaire américain. Les Américains voulaient l'installer dans un pays africain. Kadhafi va s'y opposer fermement. Et les Américains vont tout faire pour le convaincre. Il dira non. Il dira, si vous mettez ces bases en Afrique, ce sera pour déstabiliser les pays africains. Et on ne peut pas l'accepter. Et ça, les Américains ne vont pas le pardonner. Kadhafi se rapproche de la Chine, se rapproche de la Russie et invite Vladimir Poutine, à l'époque, il est Premier ministre, à installer une base militaire russe en Libye. Pourquoi? Parce que Kadhafi savait une chose, que même s'il s'est réconcilié avec les Occidentaux, ceux-ci ne sont pas des gens crédibles et que tôt ou tard, ils risquaient de se retourner contre lui. Il le savait, donc il avait invité la Russie à installer une base militaire dans son pays. Il y a un autre élément important, c'est que Kadhafi investit beaucoup dans les pays africains et bouscule les intérêts occidentaux dans ces pays-là. Et tout ça, aux yeux des Occidentaux, ça énerve. Mais ce qui énerve beaucoup plus les Américains, donc le grand maître de tous les pays occidentaux, c'est que les Américains voulaient que la Libye libéralise son économie, c'est-à-dire américanise son économie. Kadhafi, dans un premier temps, il avait accepté, comme je vous ai dit, pour faire lever les sanctions, mais une fois que les sanctions sont levées, Kadhafi a refusé de libéraliser son économie. Alors, au cœur du pouvoir libyen, il y avait deux tendances, il y avait deux groupes qui s'affrontaient. Il y avait les libéraux que Kadhafi avait recrutés, la plupart d'entre eux venaient des États-Unis, et les conservateurs qui étaient toujours avec lui, avec qui il a construit sa Jamhourie arabe libyenne. Et ces deux groupes s'affrontent au cœur du pouvoir libyen. Et ce sont ces gens-là que l'on va retrouver, les pro-américains, ce sont ces gens-là qu'on va retrouver à la tête de la rébellion en 2011, quand l'OTAN va décider d'agir. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a tendance à croire que la déstabilisation de 2011 a commencé parce que Kadhafi aurait massacré son peuple. Ça, ce n'est pas vrai. Je découvre, par exemple, je l'explique dans le livre, que les Américains avaient déjà, dès 2004-2005, réussi à retourner le patron des services secrets libyens, M. Moussa Koussa, qui était devenu un agent double. Un autre élément intéressant, en avril 2010, donc plusieurs mois avant le printemps arabe, le patron des services secrets qatari se rend dans les bureaux de son homologue bulgare, le général Kirkov, et lui dit, écoutez bien, nous prévoyons allumer, provoquer une révolution à l'est de la Libye, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? On est en avril 2010. Le patron de service secret bulgare est un peu surpris. Il transmet la note. Il transmet une note à ses supérieurs en Bulgarie. En août, Obama commande un rapport. Et là, vous allez comprendre l'importance de ce rapport. Il commande un rapport sur la situation au Maghreb, au Moyen-Orient. On lui remet le rapport quelques mois plus tard. Et ce rapport disait que le monde arabe était prêt pour une déflagration. Alors Obama va garder ce rapport secret. Pourquoi? Et l'attaché du New York Times à la Maison Blanche explique, il dit, l'administration américaine ne voulait pas que les dirigeants arabes lisent dans les journaux du matin que les États-Unis sont en train de travailler à un bouleversement dans leur pays. Et en décembre, la rue tunisienne entre en ébullition après la mort de Tarek Boaziz. Et là, le peuple, puisqu'il faut le dire, il y a eu des revendications légitimes du peuple tunisien. Les gens se sont levés pour dire non aux conditions de vie qu'ils avaient. Tout ça, c'était réel. Mais ce que les Tunisiens, à ce moment-là, ne comprenaient pas, c'est ce qui se jouait dans les coulisses. C'est que pendant que la rue manifestait, l'armée qui était restée proche du Pentagone agissait sous commandement du Pentagone pour faire partir Ben Ali. Et ça, c'est la partie de l'histoire que la population n'avait pas vue. C'est-à-dire que quand Ben Ali prend l'avion pour partir, il part pour revenir en fait. On lui dit, il va déposer sa famille, il va revenir. Sauf que Hillary Clinton appelle le prince saoudien, il dit, tu reviens là-bas. Et ce qui est intéressant, il faut écouter ce que dit Michel Alliot-Marie à l'époque. Michel Alliot-Marie dit en France, les militaires américains ont discuté avec leurs homologues tunisiens et ils ont demandé à Ben Ali de faire, partir Ben Ali et ils ne nous ont même pas tenus au courant. C'est quelque chose, ça. Mais ça, la population ne le savait pas. Et il faut comprendre ceci, c'est que quand le printemps arabe éclate en Tunisie, en Égypte, les hauts gradés de l'armée se trouvent à ce moment-là au Pentagone. Ils se trouvent au Pentagone, ils reviennent vite et ils reprennent les choses en main. Même dans le cas de l'Égypte, par exemple, on sait aujourd'hui que Obama appelait Moubarak tous les jours. Joe Biden appelait le général Suleiman, le maréchal ou le général Suleiman qui était devenu vice-président à un moment. Et c'est quand Moubarak a refusé d'abdiquer qu'une partie de l'armée qui dépendait du Pentagone lui a fait comprendre que si vous n'abdiquez pas, nous allons nous ranger du côté des manifestants. Et c'est comme ça que Moubarak a fini par annoncer sa démission. Et pendant que le peuple exultait dans les rues de Tunis et de Caire, le site de la Freedom House, la Freedom House, c'est une organisation américaine qu'on appelle d'exportation de la démocratie. Vous savez, les Américains, ils aiment bien ce genre d'expression. La Freedom House, comme la NED, comme la NDI, avait financé beaucoup de jeunes arabo-musulmans dans des centres de formation sur la manipulation, comment contrôler les foules, comment rassembler les foules à travers les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a appelé le mouvement Facebook, tout ça. Ces jeunes-là, la plupart de ces jeunes étaient formés, encadrés par les Américains. D'ailleurs, un élément intéressant dans cette affaire, c'est que quand en Égypte, le pouvoir public a décidé de bloquer Internet, vous savez ce qui s'est passé? Twitter et Skype ont mis en place une application qui permettait aux jeunes de communiquer, de contourner la censure. Et ça, les Américains l'avaient fait déjà en Iran, en 2009, quand il y a eu ce qu'on appelle la révolution verte. Quand on a coupé Twitter, Hillary Clinton est intervenu personnellement auprès de Twitter pour lui demander de ne pas faire de la maintenance et de laisser les jeunes communiquer avec des agents américains qui essayaient de les orienter. Et dans le cas de l'Égypte, il y a un autre élément intéressant. Il y avait un officier de police égyptien qui était en exil en Philadelphie. Et c'est pas ça la télé en plus. il était en contact permanent avec un groupe de jeunes qui organisait les manifestations sur place à la place Tahrir, c'est ça ? À la place Tahrir. Mais pendant toutes ces manifestations, il y avait l'armée qui faisait pression dans les coulisses. Et dans les deux cas, en Tunisie comme en Égypte, s'il est vrai que les revendications légitimes de la population ont permis de mobiliser les foules, il est aussi vrai qu'il y a eu une contre-révolution dans la révolution, dans la mesure où des forces bien organisées et tapies dans l'ombre sont entrées en scène pour canaliser en fait tout ça et éloigner le peuple de ce qu'il voulait véritablement en décidant de descendre dans la rue. Et ouais. Et j'avais eu une discussion à l'époque avec un diplomate tunisien qui était en colère, qui disait mais nous nous sommes fait avoir, nos jeunes se sont fait avoir, ils ont été manipulés. Bon, mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'OTAN a commencé à planifier maintenant la prochaine phase de l'opération qui était la Libye. Et c'est quand on nous a annoncé que Kadhafi tirait sur son peuple et l'OTAN a décidé d'attaquer. Dans le livre, j'explique que Kadhafi n'a jamais tiré sur son peuple. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le responsable américain, le Robert Gates, qui était le ministre de la Défense à l'époque, qui a dit clairement, il dit, il n'y a aucune preuve que Kadhafi tire sur sa population. Mais les médias vont quand même dire, non, Kadhafi tire sur son peuple. Et après, Obama va sortir là. Moi, je l'appelle la colombe aux ailes de faucon. Il va sortir et va pousser à la guerre, surtout Hillary Clinton, qui en voulait beaucoup à Kadhafi. Et la guerre de l'OTAN va commencer. Pendant plusieurs mois, l'OTAN va être surprise, elle va être très surprise par la résistance des Libyens parce qu'ils pensaient que la guerre allait prendre au plus deux mois. Cinq mois après, la guerre ne finissait pas. Et les Libyens, les hommes de Kadhafi résistaient. Et là, il y a eu des négociations secrètes. Et c'est à partir de ces négociations secrètes qu'on va, c'est à travers ces négociations secrètes qu'on va piéger Kadhafi. C'est-à-dire qu'on va lui dire, mais écoute, après la chute de Tripoli, on va lui dire, tu n'as plus d'autre choix, mais nous sommes prêts à te laisser quitter le pays en toute sécurité avec ta famille. Vous avez vu la famille de Kadhafi être exfiltrée vers l'Algérie par un convoi. Et après, il y a eu une entente avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a envoyé des mercenaires en Libye pour exfiltrer Kadhafi via le Niger. Et du Niger, on devait l'emmener en Afrique du Sud pour son exil. Il y a eu cette entente. Mais au moment où le convoi de Kadhafi est sorti avec le drapeau blanc de la trêve qui est reconnue par le droit international, l'OTAN a largué deux bombes de 250 kg chacune sur son convoi. Et on l'a sorti et on l'a assassiné dans des conditions que nous savons. Détail important, deux jours avant cet événement, Hillary Clinton s'était rendue en Libye et avait dit à tous ces combattants qui étaient là, les islamistes, je dois vous dire que la plupart de ces gens d'ailleurs avaient été recrutés par la CIA en Asie centrale à Mazar-e-Sharif. Donc ce sont des gens qu'on a emmenés en masse en Libye pour faire la guerre en Libye. Deux jours avant, Hillary Clinton avait été en Libye, à Tripoli, et avait dit à ses combattants-là, aux gens qui commandaient Kadhafi à la rébellion, ne vous inquiétez pas, on va la voir bientôt, on va régler son compte. Le lendemain, donc la veille de son assassinat, un colonel du Pentagone appelle son homologue français et lui dit, Bandara, écoute, on sait où se trouve Kadhafi, on l'a localisé, on ne peut pas le manquer cette fois-ci et on ne doit pas le laisser sortir de là vivant. Parce que si on le laisse, s'il sort de là vivant, ce sera une bombe atomique à cause de toutes les révélations qu'il sait. En tout cas, à cause de toutes les choses qu'il sait sur ses liens avec l'Occident. Donc, ils avaient décidé de l'abattre. Et ce jour-là, quand son convoi est sorti, parmi les groupes des gens qui étaient là, les rebelles, il y avait des forces spéciales qui étaient déguisées en rebelles. Et c'est l'une des forces spéciales qui l'a abattu. Ce n'est pas les rebelles, comme on a dit, qui l'ont abattu. Et moi, j'ai pu obtenir même le certificat d'autopsie, là, le rapport d'autopsie que j'ai reproduit d'ailleurs dans le livre. Et c'était la fin de Kadhafi. Et on a voulu abattre aussi son fils Saif al-Islam, qu'on a poursuivi. Et lui, il aura la vie sauve grâce, vous savez, à qui ? Aux forces spéciales russes qui étaient présentes en Libye secrètement, qui vont l'exfiltrer de là. Ils l'ont remis, je crois, aux Algériens, et les Algériens l'ont remis à la tribu où il était Zintan, je crois, où on l'avait gardé pendant toutes ces années. Donc, en gros, pour faire court, en 42 ans, Voilà tout ce qui s'est passé dans la vie de Kadhafi à cause des raisons que je vous ai que j'ai mentionnées. Et je crois que maintenant, après cette présentation, on peut avoir une discussion. Sentez-vous libre, je suis prêt à répondre à toutes les questions, je suis un peu habitué. Sur ce, je vous remercie. Lors de ce qu'on appelle de cette petite révolution. Bon. Il y a un autre point Il y a une autre personne qui veut avoir. Bon, bien, à notre point, c'est très important, ça nous touche, nous, Tunisiens. Bon, une question de. Comment ça s'appelle Obama, il a déclenché le processus en 2006, suite à ce rapport que vous voulez évoquer. En 2006, il a envoyé Condéla Rice, bon, président tunisien, pour en quelque sorte, pour le sensibiliser pour une certaine démocratie. Bon, et après, c'est suite au passage à l'Égypte, dans l'université du Caire, et il a dit « Yes, we can ». Nous avons compris que c'est une évolution positive. Or, non, c'était le déclenchement du printemps arabe, enfin, c'est pas le printemps arabe, mais d'un bouleversement qui répond aux intérêts des Américains, à savoir garder ses ressources naturelles, tout ça, et plus épuiser, toujours dans ce contexte de l'hégémonisme. Voilà. Ben, pour aider rapidement, je commence par le dernier point. Le dernier point est très important parce que il est vrai que quand au Caire, Obama annonce que hier ce week-end, les étudiants qui sont là, les gens qui sont là ne comprennent pas en fait que Obama est en train de parler de la nouvelle doctrine que les États-Unis entendaient enclencher dans le monde arabo-musulman. Pour ce qui est de tout ce que vous avez relevé, le rapport aux médias, les États-Unis d'Afrique, vous comprendrez que c'est une conférence, j'ai un temps limité, et je ne peux pas parler de tout le livre, mais je parle de tout ça dans le livre. Là, c'est 620 pages. J'ai vraiment essayé de balayer toutes les questions qui étaient liées à la personne de Kadhafi, son rapport au chef d'État d'ailleurs, j'explique beaucoup, surtout le conflit avec Sadat. J'explique beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans le livre. Pour ce qui est de l'attentat de 86, des bombardements, en fait, il avait été sauvé, on disait par les Russes, mais la réalité, c'était les Bulgares et les Français. Roland Dumas, parce que les Bulgares étaient très, très introduits en Libye à l'époque. Et ce sont eux, en fait, qui vont permettre à Kadhafi d'échapper aux bombes de Ronald Reagan. En gros, c'est ça. Il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que tout le processus qui a commencé là, qui a été lancé en 2011, bon, l'annonce avait été faite en 2009 officiellement, mais quand le processus de printemps arabe, d'ailleurs moi je n'aime pas parler de printemps arabe, moi je parle de printemps américain dans le monde arabe. Je trouve que c'est beaucoup plus approprié le printemps américain dans le monde arabe. C'est-à-dire que les États-Unis, et là j'insiste sur ce point parce que souvent quand on parle de cette affaire, les gens ont tendance à croire qu'on veut dépouiller la jeunesse tunisienne ou égyptienne de ses revendications. Non, les revendications ont été légitimes. Je crois que les gens ont manifesté légitimement. Mais ils n'ont pas vu ce qui se passait en arrière. La main noire qui était cachée en arrière. Il y a des exemples comme ça, sont légion. Moi, je peux en donner. Au Congo, c'était pareil. Au Burkina Faso, c'était pareil. On a dit oui, ce sont des processus révolutionnaires, des changements, mais quand certains acteurs de changement ont été cooptés, ont été acquis à l'étranger, un changement qui est impulsé de l'étranger ne peut pas apporter le bonheur aux gens des pays concernés, simplement parce que l'étranger a des agendas ou un agenda qui est diamétralement peut-être opposé à celui des nationaux. Et c'est ça qui est important. Moi, je dirais que la révolution ne fait que commencer. Voilà. Oui, donc tout simplement afin qu'il y ait une participation, je vous pose une seule question pour que ça aille plus vite, qu'il puisse répondre, et comme ça on va pouvoir avoir plusieurs questions. D'accord? Il y a un monsieur qui a levé la main, oui, en premier, excusez-moi. Merci monsieur Deco. Vous êtes bienvenue, cette clarification est très, très importante. Merci. Elle est d'importance magistrale pour une conférence de conscience africaine. Oui. C'est bon? Voilà. Une question après, ce n'est pas facile de poser une question sur un plan pareil, c'est pas facile d'être quand même de se limiter, on va essayer le minimum possible de mettre l'accent sur quelques points d'ordre primordial, tel que l'approche et la vision africaine du colonel Gaddafi, en fait de quoi il avait payé trop cher à travers un voyage très long, un voyage historique, qualifié le voyage de 4000 km, un voyage qui s'inscrit dans le cadre d'une vision qui a changé le monde en fonction du rapport national avec Israël, avec le sionisme et les ambassades qui étaient fermées l'une après l'autre. Une mission religieuse en fonction d'une vision entre l'islam et la religion islamique qui en fait de quoi le colonel a payé trop cher à travers une tendance et un mouvement rigolo. Il y en a une approche sud-sud qui s'opposait forcément au Leto, ce qu'on appelle le projet Seto. On voit de quoi il a déterminé et dégagé que tout le monde, surtout le monde du sud, américain et africain, se base sur une base démographique différente de ce que les interprétations occidentaux nous ont toujours communiqué. Donc ces facteurs sont déterminants, outre le facteur du pétrole, le projet de l'eau, le projet de l'eau potable, le projet de l'Union africaine et les sommets multiples, le rapport avec l'Occident sur le plan d'une vision qui était clarifiée lorsqu'il a déchiré le, la charte de l'ONU. Basé sur des fondements différents et différés, sur cette approche, dont ce collègue a mis l'accent sur la troisième théorie universelle, dite le livre vert, qui se veut une approche différente des deux régimes qui ont été sur le monde entier, le capitalisme d'État et le capitalisme sauvage de l'Occident impérialisé. On a voulu, en quelque sorte, que l'accent doit être mis pour ne pas s'incarner ou bien s'inscrire dans un cadre technique de faits et de conclusions, tout comme dans un film policier, la cause est complexe et le leader dirige une révolution universelle sur tous les plans humains, économiques, politiques, socioculturels. Donc c'était plus complexe. Merci pour votre intervention. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Et il y en a beaucoup de choses dont je vais limiter pour nous. Merci. Le savoir comme un savoir, mais nous actuellement surtout la jeunesse africaine, on a besoin d'un savoir engagé. Un savoir, c'est-à-dire qui nous donne, c'est-à-dire cette conscience et la conscientisation surtout de la jeunesse africaine, parce que Kadhafi n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Donc il y a toute une chaîne, il y a Patrice Lumumba, il y a Thomas Sankara, tous ces gens-là, ils étaient assassinés parce qu'on défendait cette autonomie. Donc, comment ça veut dire, ce livre peut rendre ce service à la jeunesse, à comprendre ou réagir. Merci. Bravo. C'est une question, merci pour la question, elle est très intéressante. Je crois que vous avez donné en partie la réponse quand vous avez dit que l'information nous permet de nous positionner par rapport à l'ennemi. Et c'est la chose, pour l'adversaire, c'est la chose la plus importante, je crois. Mais ce livre a une dimension historique, journalistique, géopolitique. J'essaie de combiner le tout. Pourquoi ? Parce que de toute façon, moi je ne peux pas donner des solutions toutes faites. Par contre, je peux donner des clés de compréhension qui vont permettre à chaque événement de savoir se positionner. C'est ça qui est important. Parce que si je vous dis, pour un événement, une problématique A, il faut apporter la réponse B, le jour où vous serez confronté à la problématique C, vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez me demander, je serai obligé de vous donner une autre solution toute faite. Mais les situations évoluent, l'adversaire ou l'ennemi change de stratégie. Qui aurait cru que Ben Ali et Moubarak allaient partir en partie, en tout cas comme on a pu l'observer, des jeunes qui allaient mobiliser des gens. Des gens qui, pour certains, ont été quand même formés, cooptés. Est-ce que ces jeunes étaient au courant? Je vous raconte une anecdote, d'ailleurs, pendant les événements de la place Tahrir au Caire, il y avait un réalisateur américain qui était sur place, qui faisait un film documentaire sur Jeanne Sharp. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Sharp. C'est un philosophe américain qui est lié à l'Albert Institute. L'Albert Institute, c'est un think tank américain qui travaille au service des services de renseignement. Et Jeanne Sharp, c'est lui qui a théorisé les théories non violentes, les 199 théories non violentes. Ce que vous avez vu, ce que les jeunes faisaient, que ce soit ici au Caire, quand on voyait des jeunes qui donnaient des fleurs aux policiers. En fait, c'est Jeanne Sharp en fait, qui a théorisé ça. Et il disait, c'est comme ça qu'on fait pour renverser les dictatures. Retourner l'armée en essayant de, entre guillemets, de flirter avec elle pour le casser de sa structure de commandement. Et quand le réalisateur américain a vu les jeunes égyptiens partager les théories de Jeanne Sharp à leurs amis, il a approché l'un d'entre eux, il a demandé, il dit, mais est-ce que vous savez qui est cet homme-là qui est sur le papier dont vous utilisez les théories? Le jeune dit non, il dit, mais ce monsieur est un Américain. Et les jeunes se braquent, ils disent, non, ça c'est notre révolution, ce ne sont pas les Américains qui vont nous dicter quoi que ce soit. Et le réalisateur américain dira plus tard, ces gens sont d'une telle naïveté. S'ils savaient seulement ce qui se cache derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, ils n'auraient pas tenu ces propos. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est pour dire que, aujourd'hui, l'information, oui, mais la meilleure information. Parce qu'il existe des informations aujourd'hui. On peut mettre sur la place publique plusieurs informations, mais c'est une seule qui peut changer le cours de l'histoire. Et moi, dans le livre, à la fin, je dis clairement aux Africains, et ça concerne que ce soit l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, du Maghreb, de l'Est à l'Ouest, ça nous concerne tous. Si vous acceptez de devenir allié à l'Occident, soyez prêt à toutes les éventualités. Kissinger a dit ceci. Être l'ennemi de l'Amérique, c'est bien. Mais être son ami est très risqué. Kissinger. Il dit bien, c'est très risqué d'être l'ami de l'Amérique. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Moubarak était soutenu par les États-Unis. pardon, Ben Ali aussi, Mobutu en Afrique centrale, tous ces gens-là, mais après ils sont lâchés dans des conditions que nous savons. Voilà pourquoi il faut que la jeunesse africaine ait une façon à elle de lire, de comprendre l'histoire, de comprendre les événements. Parce que si vous comprenez les événements à travers les canaux de CNN ou de Fox News, vous n'allez rien comprendre. Parce que ces chaînes de médias sont faites pour endoctriner, pour vous empêcher de comprendre le fonctionnement du monde. Vous comprenez? Et moi, dans le livre, tout ce que j'ai fait, c'est que j'essayais de présenter des éléments, de décrire des stratégies, pour que prochainement, si vous voyez ce genre de stratégie ou ce genre de choses, vous saurez vous positionner, vous n'allez pas vous faire avoir plus facilement. Et j'explique une chose, je cite France Fanon à la fin. Fanon dit, il y a une chose chez les Occidentaux, c'est qu'ils ne lâchent jamais. Ils peuvent s'arrêter, mais ne lâchent jamais. Ils sont déterminés à faire main basse sur les ressources africaines, et ils ne vont pas reculer puisque l'Occident est en crise. On voit déjà comment les pouvoirs en Occident maltraitent les populations occidentales qui sont de plus en plus clochardisées. Et que dire maintenant des populations africaines et de la jeunesse africaine? Donc en gros, c'est ça. Moi, mon point, c'est de donner des clés de compréhension à un système qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus sophistiqué et qu'il n'est pas toujours facile de comprendre à première vue. C'est le travail que j'ai voulu faire dans ce livre humblement. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci de cette conférence de la communauté de la vie. Tout le monde sait bien voilà, beaucoup diaboliser Kadhafi parce que c'est un tout petit pays avec des richesses colossales, avec des ressources pétrolières infinies. C'est pour toutes ces. En plus de ça, il y a d'autosuffisance alimentaire. Alors, cette personne, il faut essayer de l'anéantir. Comment ça? Tout d'abord, quand vous avez évoqué au début de votre conférence, il a touché les intérêts américains au fond. Quand il a touché la hausse des prix du pétrole. Donc, tout le monde sait bien avec. De la Faisal, qu'est-ce qu'on a fait avec lui en 73? Juste après lui, en 76, il a fait avec cette menace pour l'Occident. L'Occident ne joue pas avec ses intérêts. Il n'a pas d'amis. Son ami, c'est sans ses intérêts. Point à ligne. Ni le socialisme, ni le livre vert, ni le livre noir. Tout cela ne joue pas pour lui. Les intérêts pétroliers. Moi, j'ai bien acheté le pétrole à bas prix. Et maintenant, après le printemps arabe, entre guillemets, il faut repenser ce printemps arabe parce qu'il a été manipulé par l'Occident. Tout d'abord, l'Occident prend le pétrole, si il prend dans le passé avec 12 ou bien 14 dollars, maintenant il le prend gratuitement parce qu'il a déjà anéanti ces gens-là, comme Kadhafi. Je termine avec cette remarque. Tous les chefs d'État du printemps arabe, l'Occident a trouvé une issue heureuse pour eux. Ben Ali à Jadda, Moubarak dans un palais, PMM dans un palais aussi. Alors, Kadhafi, une fin tragique, une fin de façon à la catastrophe. Et merci. Alors, on va tout simplement laisser encore deux, maximum trois questions, et puis après, ce sera la clôture. Le fait d'écrire un livre à propos, c'est excellent, je vous remercie pour ça. Mais ce que j'aimerais bien dire, que parler à propos de Kadhafi, il nous faut une bibliothèque, c'est pas un livre. On n'a pas encore livre. Mais j'aimerais bien dire aussi que parler à propos de Kadhafi, c'est pas facile parce que c'est pas un personnage normal. C'est quelqu'un de spécifique, du leader révolutionnaire de la nation arabe. Il était aussi le leader révolutionnaire de l'Afrique, le leader révolutionnaire des mouvements internationaux contre le sionisme et l'impérialisme dans tout le monde. Alors, je pense aussi qu'il était l'ennemi numéro un du mouvement sionisme dans le monde. Alors, on voulait sa tête depuis longtemps, il voulait le liquider. aussi que ce qui s'est passé en Tunisie, je suis tunisien, en Tunisie, en Algérie, j'aimerais bien dire ce que je pense, parce qu'il était juste pour couper les ailes de Kadhafi, et pour ouvrir les frontières, pour le liquider de cette façon tragédique. Concernant aussi, vous avez parlé de ce qui s'est passé pour le Kadhafi, on était en Tunisie, on rappelle, et j'étais en prison en Tunisie, on nous a pris, on a mis dans le prison tunisien parce qu'on s'est festivé avec Kadhafi contre les Américains, parce qu'on savait bien que les Libyens qui a attaqué cet avion, évoquer ce thème, c'est bien, mais j'aimerais bien dire qu'il faut aussi l'étudier d'une façon plus profonde, parce que c'est une période qu'on a vécue tous, on connaît beaucoup de choses. Les Américains, aussi, le sionisme international était derrière. Le peuple arabe n'avait jamais de problème avec Kadhafi. Les Africains n'avaient jamais de problème avec Kadhafi. Les présidents qui sont maintenant aussi étaient, et encore des biens sous les mains du sionisme international. Merci bien, monsieur Patrick. On aimerait bien se dire encore une fois. Si vous écrivez un peu plus profond pour ce qui s'est passé, surtout à la Libye, entre 1977 et 1986, c'est une période qui était très importante, qui a changé une culture, pas dans la Libye, mais dans la nation arabe et dans tout le monde. Aussi que j'aime bien dire, le kadhafisme. Le kadhafisme, c'est une mentalité, c'est une culture, c'est pas la personne. Et merci encore. Ben, je répondrai simplement en disant, moi je vous invite à lire le livre, de 77 à 90, là. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur 42 ans, donc c'est 42 ans de règne, du moment où il a pris le pouvoir jusqu'à sa mort, et je n'ai pas voulu perdre, laisser passer une période, parce que toutes les périodes, dans la vie de Kadhafi, dans sa vie politique, mérite une attention particulière dans la mesure où il y a toujours un lien entre les événements. Hein, quand il prend la décision, par exemple, de lancer la Jamaïque, l'Arabe libyenne, tout ça, il y a un lien avec tout ce qui se passe après, les politiques qu'il met en place ensuite. Et, ben, toutes ces questions sont abordées dans le livre. Mais c'est sûr une chose, c'est sûr que Kadhafi est un personnage assez complexe. Moi, ça m'a pris 4 ans. Je n'ai pas voulu faire comme certains journalistes qui ont voulu faire du Kadhafi bashing. En France, où un an après la mort de Kadhafi, il y a un journaliste qui a sorti un livre, Notre vérité sur notre guerre en Libye, il racontait n'importe quoi. Il fallait prendre beaucoup de recul. Autant on peut l'apprécier, autant c'est un homme qui a ses forces et ses faiblesses. Et que le journaliste, l'enquêteur ou l'observateur ou le chercheur, lui, ne peut ni ne doit avoir d'état d'âme. On doit garder une certaine distance critique pour offrir au lecteur un travail soutenu et sérieux, pas un travail orienté. Et c'est ce que j'ai voulu faire, parce que je sais qu'il y a des Africains qui me disaient « Ouais, tu as condamné l'OTAN ?» Ils disaient « Non, c'est pas ça. Je présente les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si l'OTAN a tué, on va dire qu'elle a tué. Elle a tué. Si elle n'a pas tué, on va dire qu'elle n'a pas tué. Si Kadhafi a tué, on va dire qu'il a tué. S'il n'a pas tué, on va dire qu'il n'a pas tué. » C'est important, pourquoi ? Parce que ces erreurs peuvent aussi permettre à ses soutiens de s'amender, de ne pas commettre, de ne pas tomber dans le même panneau que lui. Ses forces aussi peuvent aider dans leur démarche politique, dans leur revendication. Donc c'est comme ça que j'ai abordé le travail que j'ai fait dans ce bouquin, que je vous invite d'ailleurs à lire. Alors, oui, vous m'entendez? Oui, oui, c'est vrai. Bon. Alors, s'il y a une petite double question, je vais être à la synthétique de toute façon. Une est rétrospective, l'autre concernant le futur proche. Je m'excuse de vous demander un petit peu de prédiction en tant que géopoliticien. Alors, la première, qu'est-ce que, à votre avis, si on n'avait pas éliminé Kadhafi, ou peut-être mieux, on n'avait pas réussi à l'éliminer, l'intelligence. Qu'est-ce que, à votre avis, ils sont arrivés, comment, en fait, soi-disant, la commission serait développée à ce moment-là, okay. Et deuxième, est-ce que vous pensez, bon, mis à part le contexte libyen actuel, comme on sait bien, n'est pas du tout favorisant, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura jamais dans le futur une personne, une figure en fait, qui pourrait reprendre la ligne gaddafienne, on va dire, que ce soit dans la personne, de Saif al-Islam, par exemple, ou bien. Merci. Mais très intéressant de vous écouter. Merci. C'est que je commence par la deuxième question. Saif al-Islam est très en vue actuellement. Et plusieurs observateurs pensent qu'il est capable de rassembler les tribus autour d'une cause commune. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le premier ministre actuel, Al-Sarraj, c'est quelqu'un qui a été imposé par l'Occident. Donc, rien ne sortira de là. Vous avez le général, le maréchal Khalifa Haftar, qui lui-même aussi est quand même un homme. C'est un ancien de la CIA. Hein. Dans le livre, j'explique d'ailleurs que le monsieur avait travaillé avec Kadhafi, puis il avait été retourné par la CIA. Il a vécu pendant 20 ans à 8 km du siège de l'anglais, donc du siège de la CIA. En 2011, c'est dans les fourgons de l'OTAN qu'il est revenu. Donc on ne peut pas attendre grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a encore des déchirements là-bas, parce qu'il y a une lutte pour la conquête du pouvoir et non vraiment pour le bien-être du pays et du peuple. Saif al-Islam est vu et perçu comme celui qui peut faire la différence et qui peut faire aussi l'unanimité autour de lui, vu sa personnalité, parce qu'il faut rappeler quand même que les islamistes qui sont sortis de prison et qui ont été récupérés par l'OTAN avaient été arrêtés par Kadhafi. C'est Saif al-Islam, dans le cadre de sa politique de réconciliation, qu'ils avaient laissé quand même sortir de prison. Ils avaient gracié et laissé sortir de prison. Pour ce qui est de la première question, vous avez demandé... si Kadhafi n'avait pas été tué, qu'est-ce qui allait se passer? Je pense que l'Occident est dans une position où il fallait absolument anéantir Kadhafi. Pour des raisons que j'ai soulevées, mais il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte. C'est qu'ils étaient conscients que si Kadhafi était toujours vivant, ça allait changer beaucoup de choses. D'abord pour leurs entreprises qui étaient présentes en Libye. C'est sûr que Kadhafi allait tout nationaliser, il allait se radicaliser parce qu'il le faisait comprendre. Mais non seulement ça, il faut se poser des questions sur ce qui allait advenir de la politique de la Libye avec des pays comme l'Égypte et la Tunisie qui avaient connu des bouleversements et qui étaient dirigés par des gens qui avaient reçu l'assentiment de l'Occident. Parce qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce qui allait se passer? Parce que moi, c'est là où je pense qu'il y a à avoir un déchirement assez incroyable. Peut-être qu'il y aurait eu un conflit ouvert entre la Libye et puis l'Égypte et la Tunisie, surtout. Il faut rappeler un détail, excusez-moi la Maghreb, il faut rappeler un détail important, c'est que pourquoi la Tunisie et l'Égypte sont les premiers à connaître des bouleversements? Parce que les armes qui ont été utilisées en Libye sont passées par les deux pays. Il y a, ça, c'est une chose que les gens ignorent. Les armes sont parties de l'Égypte et de la Tunisie. Et quand Kadhafi a été renversé, les armes ont été récupérées et sont allées en Syrie. Et c'est lui qui convoyait les armes en Syrie, c'était M. Bellage, qui était le commandant de Tripoli, qui avait été arrêté par la CIA en 2004, soupçonné d'être un agent d'Al-Qaïda, renvoyé en Libye, gracié par Kadhafi après. Vous comprenez? Donc, il y allait avoir un chamboulement sur le plan régional qui ne dit pas son nom, parce que Kadhafi, en restant vivant, allait être harcelé par ceux qui étaient ses voisins. Qu'est-ce qui allait se passer avec ses voisins-là? Parce qu'ils n'allaient pas croiser les bras et laisser Kadhafi diriger comme il l'entend. Kadhafi allait non seulement se radicaliser sur le plan interne, parce qu'on a vu les traîtres sortir du jour au lendemain sous terre, là. Des gens qui étaient proches et qui étaient en réalité des traîtres qui travaillaient avec l'autre, avec l'étranger. Je veux dire, je parle de tous ces gens qui avaient vécu aux États-Unis, qui étaient revenus, qui constituaient l'aile libérale du pouvoir libyen. Et de l'autre côté, vous avez les partis qui ont pris le pouvoir en Tunisie et en Égypte, mais qui n'avaient pas de réel pouvoir parce que l'Occident était derrière. Le pays n'était pas encore stabilisé, donc il dépendait beaucoup, il y avait une influence étrangère qui était importante. Et le Qatar, qui était très impliqué dans cette guerre-là, il ne faut pas l'oublier, et qui soutenait quand même certains de ses pays voisins, comment est-ce que la Libye allait gérer son conflit avec tous ces pays-là? Moi, je pense que c'est... Là, c'est vraiment vers ça que j'allais me... Je veux regarder. Je pense que si Kadhafi était vivant, avait survécu à tout ça, la région allait être peut-être sérieusement déstabilisée parce que la nouvelle configuration qui s'est mise en place avec le printemps arabe était trop volatile. Vous avez vu, malgré l'assassinat de Kadhafi, malgré l'arrivée au pouvoir des islamistes ou de je ne sais qui, vous avez quand même pu remarquer que même dans ces pays, il y a eu beaucoup de bouleversements politiques. En Tunisie, il y a eu des bouleversements politiques. En Égypte, il y en a eu. On a imaginé si Kadhafi était encore vivant, s'il avait survécu aux bombes de l'OTAN. Donc ça allait former un cocktail assez explosif, je pense. Bon, cela ne veut pas dire qu'il fallait qu'il meure, là. Donc... Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle joué par ce qu'on appelle les cycleurs activistes dans toute cette préparation-là. Je voudrais vous poser la question si vous en avez contacté pour la réalisation de votre livre, si vous leur avez posé la question sur leur véritable motivation, s'ils ont été payés pour ça, sur ce qu'ils font actuellement, quel rôle ils jouent actuellement. Ceci en premier. En second, je voudrais rebondir sur l'intervention du jeune étudiant de tout à l'heure pour dire que Kadhafi, finalement, ses ennemis le diabolisent, ses supporters, si je peux dire ainsi, le considèrent comme un leader pan-arabe, pan-africain, etc. Et dans tout ça, nous savons que à la fin, il est mort, son pays est dans l'anarchie la plus totale. Et que finalement, on comprend toutes les considérations, les intérêts de l'Occident, etc., qu'on présente souvent comme une entité homogène, ce qui n'est pas le cas. Pas le cas. Alors, finalement, son bilan est vite. Pourquoi d'autres pays arrivent à s'en sortir, malgré tous les intérêts de l'Occident? Malgré, vous avez dit tout à l'heure, il faut savoir quelle stratégie choisir vis-à-vis de l'ennemi. On a parlé d'ennemi. Puis vous avez invoqué la citation de Kissinger qui disait il ne faut surtout pas être l'ami. Non, c'est pas ça. Ça ne se présente pas comme ça. Quand on est chef d'État d'un pays, on pense aux intérêts de sa population, de son pays. Et on sait les motivations de l'ennemi. On doit faire avec. L'important, c'est le résultat. Ce n'est pas avoir raison. Après tout, n'importe qui peut avoir raison. Mais avoir raison à la fin, ça, c'est pas donner à n'importe qui. Si nous devons nous projeter sur l'avenir de nos propres pays, de notre continent, il faudra. Parce que finalement, si Adam Kadhafi, il aura le même sort. Parce que les mêmes intérêts sont toujours là. Que faut-il faire pour ne pas revivre la même expérience? Voilà la question. Yeah. C'est moi ce que vous avez dit, mais en même temps, pourquoi les propos de Kissinger restent d'actualité? Et je vais vous expliquer pourquoi. Tantôt, vous avez expliqué que, bon, effectivement, un chef d'État doit prendre des décisions. C'est vrai. Et c'est ce que Kadhafi a fait. Quand il décide de se rapprocher de l'Occident pour qu'il y ait levé d'embargo, parce que son pays en payait le prix, la Libye avait perdu, avait un manque à gagner de 24 milliards. 24 milliards de dollars. Kadhafi dit, je vais faire toutes les concessions possibles pour que mon peuple puisse retrouver quand même... Je ne parle pas de ça uniquement. Non, j'arrive, oui. J'arrive, oui. Pour que son peuple puisse avoir de quoi. Pour que son pays soit ouvert quand même au monde. Parce qu'à l'époque, la Libye est totalement isolée. Les avions n'ont même pas le droit d'atterrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, Si vous prenez le risque de vous associer à l'Occident, il faut être assez fort. Parce qu'un chef d'État ne peut pas non plus prendre des décisions de manière aveuglante, sachant que celui qui est en face est déterminé à vous broyer le moment où on lui en aura l'opportunité. Maintenant, pour moi, l'erreur de Kadhafi se situe non pas dans ses choix politiques, mais dans son héritage. C'est-à-dire qu'il n'a pas préparé, parce que si vous êtes un pays riche en ressources naturelles, vous devez préparer votre peuple. Il faut avoir un peuple, une conscience politique et historique aiguisée. Parce que c'est ce que Cuba a fait. Cuba l'a fait. Cuba a résisté pendant 60 ans. Cuba, moi je vis au Canada, je peux vous dire que les Canadiens ont pas soigné à Cuba. Ils n'ont pas fait de la magie. Ils ont juste fait des choix. Et le premier choix, il est idéologique. Bravo. Le premier choix, il est idéologique. Si vous réfléchissez en fonction du dollar, des gains, vous allez vous faire broyer parce que ceux qui sont en face ont un seul dieu, c'est le dollar. Ils n'ont que faire du bien-être des Tunisiens. Ils n'ont que faire du bien-être des Égyptiens, des Congolais, des Rwandais. Ils n'ont que faire. Alors, vous devez vous préparer en conséquence parce qu'on dit celui qui veut aller à la guerre prépare. Celui qui veut la guerre doit quand même. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais si tu veux la paix, tu dois t'armer des sciences jusqu'aux dents, comme le Zéchat Cantadior. Et c'est là le problème. Et Kadhafi n'a pas, il n'y a pas d'héritage de l'après Kadhafi. C'est-à-dire qu'il est mort et il est parti avec tout ça. Mais il faut maintenant, quant à son bilan, on peut le dire, la Libye était quand même le pays le plus avancé du continent africain. Comment le plus avancé avec la pratique du médecin? Non, pas non, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. Je ne dis pas que la Libye était le pays le plus prospère, le plus avancé du continent africain. C'est-à-dire que. Mais cela ne veut pas dire que la politique de développement était merveilleuse. Non, c'est différent. Mais on montre quand même que le niveau de vie que les Libyens avaient chez eux, on ne le retrouvait pas ailleurs en Afrique. Et ça, c'est un fait que personne ne peut réfuter. C'est une chose qu'on ne peut pas refuter. Et malheureusement, aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Moi, j'ai suivi un reportage d'Al Jazeera dans lequel on montrait des Libyens qui regrettaient Kadhafi. Qui disaient, mais on n'était pas à l'époque, on ne vivait pas comme ça, on n'avait pas tout ça. C'est ce qui se passe souvent. Quand il y a une intervention dirigée de l'étranger. Pour moi, j'ai toujours dit que Kadhafi n'était pas un saint. Au loin de là, ce n'était pas un dieu non plus. C'est un homme qui avait ses forces et ses faiblesses. Il faut l'étudier dans cette optique-là, apprendre de ses erreurs et de ses forces. C'est ça mon travail. Mais si je compare le bilan de Kadhafi à celui de plusieurs chefs d'État africains, on peut commencer par la région ici, il y avait quand même une certaine différence. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait quand même 1 million de migrants qui allaient travailler en Libye. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Mais encore une fois, j'insiste pour dire que cela ne veut pas dire que la Libye était le paradis sur Terre. Même en Occident, les États-Unis, soi-disant première puissance mondiale, vous avez quand même 65 millions d'Américains qui vivent dans les conditions les plus déplorables. Il y a des coins aux États-Unis, si vous arrivez, vous aurez l'impression d'être dans les endroits les plus reculés d'Afrique. Mais c'est ça. Exactement. Donc c'est pour dire simplement que dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Et on prend ce qui est bon, on laisse ce qui est mauvais et on essaie d'améliorer ce qui doit être amélioré. Donc voilà. D'accord. Donc on va être quasiment obligé de terminer. Laisser là cette fois-ci deux questions. Déjà la cinquième. Donc, monsieur le président, quel est le rôle des espions? Vous avez parlé des espions bulgares. Quel est le rôle des espions bulgares qui sont célèbres? Ils sont quoi? Ils sont célèbres. Ils sont très qualifiés. J'ai pas bien compris la question. Les espions. Oui, les espions bulgares, oui. Sont très qualifiés. Oui. Ça est connu partout dans le monde. Oui. Quel est le rôle des services de renseignement bulgare dans les chutes de Gaddafi? D'après ce que je sais, ils étaient restés neutres. Les Bulgares ont gardé une certaine distance par rapport à tout ce qui se passait parce qu'ils n'avaient pas le contrôle sur les événements en Libye comme les autres. Il faut dire qu'eux, ils étaient au courant que quelque chose se préparait. Mais ils n'ont pas, à ma connaissance en tout cas, pris position pour un camp ou pour l'autre. Ils ont préféré garder une posture de neutralité en fonction de l'évolution des événements. Si Kadhafi gagnait, ils allaient avoir la même position, ils allaient rester dans le pays. Et les autres sont arrivés, le Sénat a pris le pouvoir, ça ne leur a pas empêché de rester aussi et puis de continuer leurs activités. Ils n'ont pas eu vraiment de position, de mon point de vue, ils ont gardé une position de neutralité du début à la fin. Non, c'était le monsieur. Hein. C'était le monsieur qui l'a. Oui. Non, non. Le monsieur qui a le chapeau rouge. Monsieur qui a la chéchia. Ah, vous appelez ça comment? Chéchi. Chéchi. Ok. C'est une réflexion d'une certaine génération. Je pense que je suis le plus vieux dans la salle. Plus âgé. Ne vous fiez pas ma canne ici. Hein. La question de monsieur et votre réponse m'interpelle. Mon opinion est que les gens, les pays qui sont riches avec le pétrole ou autre chose, les pays arabes ou africains, doivent faire, le chef d'État doit faire, et par expérience je dis ça, tous leurs efforts pour rester neutres, mais entre-temps, instruire leur peuple. Voici la force. Instruire leur peuple. Donner une infrastructure de dépenses. Et mieux encore, quand on a la chance, comme les pays du Moyen-Orient, d'avoir un argent fou qui est malheureusement dépensé n'importe comment aujourd'hui, dire, écoutez, nous, ça nous tient, on va vous ouvrir des universités en Tunisie, pour les Libyens, les Algériens, les Marocains, les Libyens, à l'œil, vous n'aurez rien à payer. C'est nous qui payons les professeurs. Au bout d'une génération, le résultat est très clair. C'est une réflexion. Merci. Merci. Merci pour votre présentation. Merci. Juste une simple question. Je voulais savoir réellement quel était le rôle des ennemis de Kadhafi qui sont les pays arabes, pays de Golfe. Est-ce que vraiment on peut parler d'un rôle clair? Est-ce que leur intervention, leur financement de l'attaque des pays de l'Occident, est-ce que vraiment on peut dire que les pays de Golfe, les Saoudiens, les Émirats, les Qataris aussi, est-ce qu'ils ont vraiment joué un rôle important? Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, Hillary Clinton, avant d'aller au Conseil de sécurité, avait besoin d'une caution arabe pour approuver, pour dire que, au fond, la guerre, c'est pas nous, c'est vraiment les Arabes qui demandent qu'on intervienne. Et elle avait rencontré à l'époque le secrétaire général de la Ligue arabe. Après, elle a rencontré le responsable qatari. En tout cas, le Qatar est l'un des pays qui vont jouer le rôle le plus important parce que le Qatar avait un différend avec la Libye sur un bloc gazier, le NC7. Le Qatar voulait avoir accès au gaz libyen. Kadhafi ne voulait pas. Et l'émir en voulait à Kadhafi. Et c'est le pays qui va dépenser le plus d'argent dans la déstabilisation de la Libye. Je sais que le Qatar avait livré 20 000 tonnes d'armes. 20 000 tonnes d'armes pendant la guerre. Et le Qatar s'était occupé aussi, et les Émirats, de la formation des rebelles qui étaient après renvoyés en Libye pour aller se battre. Donc les forces spéciales, le Qatar avait livré 5 000 membres de ses forces spéciales aussi. Et donc, ce sont des pays, quand même, les Émirats, le Qatar ont joué un rôle important dans la déstabilisation de la Libye. Et c'est d'ailleurs le premier pays qui a reconnu le CNT. Le Qatar, c'est le premier pays arabe à reconnaître le CND. Ça, elle l'a fait d'ailleurs très vite après Sarkozy, c'était le Qatar qui avait soutenu cette rébellion. Et il faut dire d'ailleurs que le Qatar va servir de sous-traitant de la stratégie de l'OTAN. C'est le Qatar qui va jouer le rôle le plus important comme état pivot pour le compte de l'OTAN afin de mettre la main sur la Libye et de neutraliser définitivement Mouammar Kadhafi. Bonsoir. Moi, c'est Christian, je suis Camerounais comme vous. Je suis fier de voir un Camerounais qui représente le Congo comme ça. Félicitations à vous. En tout cas, je vous encourage pour ce que vous êtes en train de faire. Ma question est de savoir quel est le rôle de l'Union africaine dans tout ça. Oui, l'Union africaine était contre la guerre. Mais il faut en même temps rappeler, et c'est important de le dire, trois pays de l'Union africaine avaient voté la résolution qui autorisait la mise en place d'une no-fly zone, donc une non-exclusion aérienne. Les trois pays sont le Nigeria, le Gabon et l'Afrique du Sud. Ce sont les trois pays qui ont d'une certaine manière cautionné quand même le bombardement de la Libye. Et ça avait créé beaucoup de frictions au sein de l'Union africaine. Mais après, l'Union avait décidé quand même, avait décidé d'intervenir dans le conflit comme médiatrice. Mais le 19, quand les chefs d'État se sont réunis à Nouakchott en Mauritanie, après la réunion des chefs d'État, il était prévu qu'ils se rendent en Libye puis à Benghazi pour rencontrer les différents belligérants. Au moment où ils s'apprêtaient à prendre l'avion, Jean Ping, qui était le président de la Commission de l'Union européenne, a reçu un appel de Ban Ki-moon, qui est à Paris, avec les dirigeants occidentaux et arabes qui discutaient de la mise en place de la zone d'exclusion aérienne et de ce qu'elle allait être fait en Libye. Donc Ban Ki-moon dira à M. Ping, écoutez, nous vous rendons en Libye parce que dans les heures qui suivent, les Occidentaux vont bombarder le pays. Et c'est comme ça que l'initiative de l'Union africaine et aussi des pays de l'Amérique latine, parce que les pays de l'Amérique latine étaient impliqués aussi et voulaient participer à un processus de paix entre les belligérants pour éviter que la situation ne s'embrase. Mais l'OTAN ne voulait pas parce que l'OTAN avait un agenda et c'est l'Afrique comme commandement que Kadhafi ne voulait pas voir sur le continent qui a piloté la guerre, c'est pas la France, parce que les gens ont tendance à croire que la guerre de l'OTAN a été pilotée par la France. Donc c'est Obama à travers l'Afrique comme commandement qui a piloté la guerre et qui a sous-traité la guerre aux Britanniques et aux Français. Donc même pour tirer le premier missile, il fallait un feu vert du Pentagone. Le premier jour, les Français ont tiré une vingtaine de missiles et les Britanniques, les Américains ont tiré 119 missiles. Le premier jour. Donc ça vous donne une idée. Mais dans tout ça, l'Union africaine avait été mis à l'écart. Et quand ils sont allés en avril pour négocier avec les parties en conflit, ils n'ont pas pu parce que le CNT, conscient du soutien dont il bénéficiait de la part de l'OTAN, ne voulait plus rien entendre de Kadhafi ou de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Donc l'Union africaine a essayé du mieux qu'il pouvait, mais elle n'a pas réussi et elle s'est bornée à des critiques pour certains et au silence pour d'autres. Un seul chef d'État était pro-OTAN. C'est le président du Rwanda, Paul Kagame, qui a la réputation d'être un grand agent américain là, dans l'Afrique centrale. Donc voilà. Donc, j'avais déjà vu la présentation du livre sur égalité, réconciliation, et là où vous présentez, je pense, mieux le livre, et vous m'avez permis à prendre conscience du danger qu'on a pour nous en tant que peuple, de tout ce qui se trame sous nos pieds. Et donc, je voudrais poser une question. En tant que peuple, nous, comment peut-on prendre de l'avance pour prendre notre destin entre nos mains par rapport au complot qui se joue contre nous, clairement. On peut employer le mot, c'est un casque que vous avez compris. Exactement. Et est-ce qu'un coach à la fin d'être la solution? Oui et non. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, L'avantage que les puissances impériales ont sur les autres, sur leurs adversaires, c'est le travers de leur psychologie. Elles sont très fortes là-dedans. Il y a un problème de paradigme. Notre manière de lire l'histoire, de la comprendre, détermine aussi nos actions et nos réactions. Nous sommes constamment aux prises avec une forte propagande occidentale, mais sous plusieurs formes. Elle se pratique à la télé, à la radio, même à l'école. Donc c'est quoi qu'on apprend souvent à l'école aussi? C'est ce que parfois l'ancien colonisateur a laissé, ce genre de truc. C'est-à-dire, il faut une remise en question profonde de tout ce qui se passe. Parce que à partir du moment où nous changeons notre manière de voir le monde, nous pourrons définir véritablement nos priorités. Vous comprenez? Et nous devons comprendre surtout que moi j'ai toujours dit l'Afrique est en guerre, mais elle ne le sait pas. Elle ignore. Mais ceux qui font la guerre à l'Afrique sont très conscients. Ils sont très conscients qu'ils sont en guerre. C'est ça la différence. Nous devons nous mettre en tête, c'est l'état d'esprit d'abord, de savoir que si tu es conscient que ton voisin est déterminé à te dépouiller, tu seras toujours sur tes gardes. Mais si tu n'es pas conscient de cette réalité, tu ne prendras jamais de dispositions et tu te feras avoir. Raison pour laquelle il faut déjà qu'il y ait un changement au niveau du paradigme, au niveau de la conscience historique, la conscience politique. Il faut se détacher des fausses perceptions qu'on nous a inculquées, qui restent dans nos têtes et qui font que nous sommes constamment mystifiés par tout ce qui vient de l'Occident. Et quand je parle de l'Occident, je ne parle pas de l'Occident en bas, puisque les peuples de l'Occident ont les mêmes problèmes que nous. Je parle de l'Occident d'en haut, c'est-à-dire l'oligarchie qui s'associe à des dictatures en Afrique, au Moyen-Orient, un peu partout, au détriment des peuples. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur les peuples. Et nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Parce que c'est seulement à partir de ce moment-là que quand les Occidentaux vont arriver avec leur recette miracle, ben, on vient pour vous démocratiser, on dit non, nous préférons notre dictature, c'est-à-dire nous allons nous démocratiser nous-mêmes. Parce que hier, on dominait les pays africains en utilisant la Bible. On avait pris la Bible, on dit aux gens, Jomo Kenyatta a dit, il y a une citation, une célèbre citation, il dit quand les prêtres sont arrivés, ils nous ont demandé de fermer les yeux de prier, comme nous avons ouvert, ils avaient déjà pris nos terres. Et aujourd'hui, on détruit des pays au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous faire avoir. Parce que quand on va vous dire droits de l'homme, vous allez être ouvert à l'idée, puisque c'est une idée qui est merveilleuse, l'idée des droits de l'homme. Seulement, ce qui se cache derrière l'idée des droits de l'homme, ça, c'est beaucoup plus dangereux. Mais pour le comprendre, il faut s'armer des sciences jusqu'aux dents. Nous devons apprendre, déjà, se réconcilier avec son histoire. Ça, c'est très important. Se réconcilier avec sa culture. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été désarticulées dans la plupart des pays africains, qui fait que quand l'Occident attaque, on n'est pas bien outillé pour résister. Mais pourquoi des pays comme Cuba ont résisté? Simplement parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses. La Corée du Nord, on les traite des malades, mais on traite le gars là, le petit Lénin, là, on dit qu'il est fou, on dit que le président Kim Jong-un est un fou. Non, il n'est pas fou. Comme l'a dit un gars de la Syrie, c'est l'un des gars les plus rationnels. Lui, il l'a compris. Il sait que tous les discours sur les armes de destruction massive, c'est pour l'anesthésier et demain l'attaquer. Il n'est pas bête. Il ne se contente pas de ce que dit l'Occident. Il s'en fout. Vous dites ne pas tirer, demain il tire. Il lance des missiles comme un malade. Tout le monde est frustré, mais il le sait. Il sait pourquoi il le fait. Et son peuple, parce que j'ai suivi deux ou trois documentaires sur la Corée du Nord. Mais c'est un peuple qui est discipliné. Très discipliné. Tolérant. Exactement. Et ils portent la science. Exactement. Ce n'est pas des gens que vous allez mystifier avec les films d'Hollywood. Ça ne les intéresse pas. Donc, ils sont blindés psychologiquement. Pour les attaquer, il faut les déstructurer psychologiquement. Ce qui n'est pas facile parce que ces gens, ils sont éduqués de telle sorte qu'ils sont conscients au jour le jour que l'ennemi n'est pas loin. Donc nous prenons des précautions pour nous et pour nos enfants. Et quand vous entendez les enfants nord-coréens parler, j'ai suivi un documentaire il n'y a pas longtemps, c'est frappant de voir comment ces enfants sont conscients en fait des enjeux politiques, sans être des spécialistes. Ces enfants disent, mais nous, notre pays est encerclé par les États-Unis, nous savons qu'ils veulent nous attaquer, nous savons ceci, et nous devons nous préparer en conséquence. Et c'est des enfants de 12 ans, 13 ans qu'ils disaient. Mais chez nous ici, la plupart de nos jeunes, on est beaucoup plus sur Twitter, sur Facebook, sur tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce système-là. C'est bien, mais en même temps, ça peut abrutir. C'est ça le problème. On est dans la consommation. Tout ce qui vient du système libéral, qu'on nous injecte comme un virus, et qui nous détache de ce que nous avons toujours été sur le plan culturel. Donc voilà, on fait. Exactement. D'accord, donc on va remercier M. Mbeko pour la présentation de son livre. Merci à vous tous. Et si vous voulez encore, après ça, lors d'une discussion sur la sortie, vous pouvez également le faire, s'il veut bien répondre, naturellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que c'est... Ah, d'accord. Moi, je vais prendre un photo avec pour les commentaires. Parce que j'ai pas de... Non, lui. Histoire contemporaine. Thank you. Ah, ça devient un peu trop grand là. Non, Avec le V de Victoire. La musique, c'est quoi? C'est que c'est bon? D'accord. Mais ils sont en Mais c'est combien? C'est à combien les concours? Oui, c'est combien? Moi je connais pas le plus grand. Oui, non. C'est un peu révolutionnaire de vendre un livre à 39. Je ne sais pas. En Tunisie, Ah oui, mais moi, je sais pas quoi. 30 dinars. Pour 30 dinars, c'est le prix. Mais c'est trop. C'est trop cher. Non, mais c'est plus cher. C'est un prix capitaliste. Non, c'est un prix impérialiste. Non, c'est un prix européen. Alors, en fait, le rapport de livre coûte 27 euros. C'est moi qui ai payé 25 euros. Montréal. Vous étiez une fois ici en Tunisie avant? Non. C'est pas le IFT? Pardon? Vous n'étiez pas avant un mois ici à l'IFT? Comment? Ah bon, pardon. Donc je peux vous payer directement. Ok. En fait, j'ai jamais entendu de vous. Avant, vous êtes souvent en Europe? Oui, souvent en Europe. Mais surtout les pays francophones? Oui. Parce que moi, je suis allemande et. Ah, ok. Donc, vous avez. Vous n'avez jamais menacé de me rendre quelque chose? Si. En fait, si. Si, parce que votre contact, je pense. Donc, c'est les menaces là. Beaucoup. Ah oui, si vous êtes déjà là. Parce que je suis des correspondants directement. C'est un site bien. Ah, non. C'est pas très cool, mais il faut coller. Coller, j'y mets pas. Vous êtes. Oui, avant. Mais quel nom? Sabine. Des poèmes. C'est possible de rappeler pour vous redonner au cas de questions. Oui. Est-ce que vous le mettez ici ou bien بيرا وين شفت زيد داخل انت انت وتي تسمعوا اي سي مش فرح سي مش فرح حتى خاطر في تونس يمشي ويجي Ah, merde, attends, excuse-moi. Ça, je vous mets aussi le contact. Donc, non, non, vous m'avez donné votre agenda pour le contact. Oui, ah, vous pouvez le... Et qui avec lui ? Ah, vous mettez ici. Non, alors. Pas merci. Ah, ok.